À ce archipel, îles de la Madeleine, au calme et ciel, là où tout s'entraîne, de nos jours s'éclairent, on doit tous s'éveiller à ces réalités, on ne peut retarder. Aucune raison pour ce manque de vigilance. Il est temps de voir avec persévérance les vagues qui nous touchent, les vents qui nous soufflent. Réveillez-vous tous, rejoignez la foule. Aucune raison pour ce manque de vigilance. Il est temps de voir avec persévérance. Aucune raison pour ce manque de vigilance. Il est temps de voir avec persévérance. Avancer, il faut réagir, tout se rassembler. Aucune raison pour ce manque de vigilance. Il est temps de voir avec persévérance. Le temps doit avancer. Il faut réagir, tout se rassembler.